Alors, la, comment dire, le gras, la sointance vous ont manqué. Nous, si, un petit peu quand même. Mais du coup, ça va être grosse séance rattrapage tout de suite maintenant avec la doublette à venir. Doublette que nous, petit chouchou du Tennessee, vont ouvrir Brodkin. Ouais, Brodkin, bah, je vais paraphraser notre ami Fenn. Qui un soir de concert devant Brodkin, largement chargé en éthanol, est venu droit vers nous en nous hurlant « ça ressemble à une tartine de Saint-Doux étalée en plein visage ». Ah non, c'est extraordinaire, Brodkin, c'est Brutal Death Metal, c'est très largement affilié à la scène Texas Slam Death. Brodkin, pourquoi ce nom de groupe français, médiéval? Parce que le Brodkin, de base, c'est un instrument de torture pour les pieds. Et que le thème récurrent dans les textes de Brodkin, c'est justement les tortures médiévales et la peine à travers l'histoire. Brodkin, c'est un trio, ça a toujours plus ou moins été un trio, même si pendant de nombreuses années, le batteur jouait intégralement sur un pad. Alors, je ne sais plus si suite à un accident ou une maladie dégénérative, le batteur a perdu l'usage de ses jambes. Et en fait, vous imaginez un pad de batterie électronique. Et je les ai vus dans ces conditions-là au Hellfest. Et c'est incroyable de voir un type utiliser ses 10 doigts pour faire la double pédale, la caisse claire et tous les éléments de cymbale. Mais le mec blastait son truc avec ses 10 doigts, c'était impressionnant à voir. Et musicalement, c'est un rouleau compresseur. Vocalement, Jamie, c'est un sani broyeur. Alors c'est ultra américain hein, dans le style. Au niveau de la prod, c'est dégueulasse. Ouais, bah c'est cradin, pour les comparer aux dieux vivants de cette scène-là, des Vormund, c'est plus gras et plus cradin que des Vormund, quoi. Il y a zéro soin apporté au son, à tel point qu'on se dit que c'est là que leur soin il se fait, en fait. C'est d'avoir un son ultra rao dans ce qu'ils font, ce qui fait qu'il y a des fois on se dit, mais putain, mais c'est juste inaudible. Et puis ce chant vraiment de Sonny Boyer, cette espèce de dégueulis permanent, alors c'est dur à dire, mais en fait, Brodkin, presque ça s'écoute au casque. Pour saisir toutes les subtilités, parce qu'il y en a. Mais clairement, c'est le truc, tu l'écoutes dans une voiture, t'as l'impression que c'est ton moteur qui est en train de lâcher, quoi. Ouais, bah c'est quasi inaudible sur un mauvais système son, en fait. Donc il faut l'écouter avec un son qui tient la route. Sinon, ouais, t'entends de la bouillie, en fait, c'est tout. C'est ça qui est assez génial. Donc voilà, moi j'ai eu la chance de les voir deux fois sur scène, donc une fois au Hellfest et une fois en Suisse, où là ils avaient déjà leur batteur, et il n'y a pas un coup à côté, c'est juste incroyable ce que nous propose. Alors là, il semblerait qu'ils évoluent à 4 maintenant. C'est vraiment extra ce que nous propose en termes de violence Brodkin. 17 ans qu'il n'avait rien sorti, le dernier album Methods of Execution date de 2004. Ils s'apprêtent là à sortir leur nouvel EP Perpetuation of Suffering. Ce serait vraiment super chouette que derrière ce soit annonciateur d'un quatrième album. Et ça va toujours aussi vite, toujours aussi violent, toujours aussi crado. Et c'est surtout qu'en 17 ans, quelques apparitions live ici et là, Jamie Bailey, du coup le vocaliste et guitariste, a absolument rien perdu en termes de bassiste chanteur, a absolument rien perdu de du Sonny Broyer qu'il est au fond du gosier, quoi. Donc extra. Et dans la foulée, en doublette après Brodkin. On s'écoutera Space Chaser dans un style bien différent, puisque là on est sur du trash qui nous vient d'Allemagne, avec une thématique qui ne déplairait pas aux chanteurs fous de Agent Steel. Voilà, c'est ça. J'ai complètement perdu. Puis même au niveau du logo, on s'y retrouve un peu. Hein. Ça traite de SF, de futurisme, de dystopie, d'aliens, etc. Troisième album studio pour Space Chaser, Give Us Life. Ce nouvel effort est déjà dispo chez Metal Blade. Voilà donc pour la nouvelle doublette à venir dans l'émission. Brodkin, Seven Nails, extrait de leur nouvelle EP. Space Chaser, Remnant of Technology, extrait de leur nouvel album. C'est parti. Doublette suivante qui nous rapproche tranquillement de la fin de l'émission. Et oui, si vous nous avez rejoint après 21h, sachez que exceptionnellement, comme nous sommes de retour en direct pour la rentrée de l'émission, nous avons attaqué l'émission à 20h pour la finir entre 22h15 et 22h30 là. Voilà, toujours à l'écoute d'Elbanger bien évidemment. On passe à l'avant-dernière doublette pour aujourd'hui, avec un des coups de cœur, une top sélection de l'ami Sylvain en termes de sortie de l'été. Enigmatum, ça nous vient des États-Unis. Grossièrement, c'est du Black Death. Plus en détail, qu'est-ce que c'est ? Déjà, c'est une excellente sortie sur le label 20 Buckspin Records. Clairement, ils nous régalent depuis la toute fin de l'année dernière. Ils sont à une sortie par mois. Il y a juste rien acheté, on diffuse chacune de leurs productions. C'est voilà, à chaque fois il y a vraiment un groupe extraordinaire qu'ils signent. Ce sont donc des ricains, on est dans du Black Net Death. C'est tech. Alors en termes de ressenti, parce que j'ai pas eu l'occasion de l'écouter, Sylvain me disait en antenne, vous prenez Death, le groupe à l'époque vraiment Human Individual Patterns, là où c'était vraiment au summum du tech death, avec vous saupoudrez par-dessus du mélodeath suédois avec des solos heavy metal par-dessus, mais le mélodeath suédois sauce dissection, hein, vraiment l'originel des années 90. Voilà, pour vous dépeindre la musique de Enigmatum, ça cogne sévère. J'en veux pour preuve que le batteur, c'est la nouvelle recrue également de Skeletal Remains. Voilà donc pour Enigmatum, qui sort son nouvel album, Deconsecrate. Dans la foulée, Manvera, on est sur quelque chose de beaucoup plus traditionnel, du Black qui nous vient d'Islande, de Reykjavik plus particulièrement. Premier album longue durée, qui s'intitule, j'ai bouffé le nom, putain c'est de l'islandais en plus, c'est juste parfait, Vitaringur, une sortie Dark Descent Records, donc on est encore sur un label dénicheur de petites perles de l'underground. Enigmatum, Unhunted, Erifter, Manvera, Fartrimdir, Myrt, c'est parti. We'll be right back. avec une fin jusqu'à la dernière résonance de la dernière note. On va se quitter avec une doublette de doublettes. Les vétérans du grindcore brésilien Rot qui sortent un nouvel album studio, le sixième, il s'intitule sobrement Organique. Je ne sais plus de quand date le précédent album de Rot, 2013, hein, donc déjà pas mal d'années sous silence pour Rot. Une doublette dans la doublette, c'est du grindcore hautement qualitatif et ultra vénère. Je trouve qu'il y a un petit côté Insect Warfare sur ce nouvel album. Il est donc déjà dispo, on va s'écouter le titre « Region is Mass Dementiae ». Enchaîné à Until It's Worthless. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous. Bonne fin d'écoute et on se retrouve dimanche prochain avec une émission en différé et on viendra au courant de la prochaine émission en live. Ciao ciao.